Une audience aussi sympathique. Un très grand nombre parmi vous m'ont déjà entendu et je m'efforcerai de ne pas me répéter sans nécessité. Aujourd'hui, je voudrais aborder le côté un peu plus abscon de l'alchimie, alors que dans le passé, j'ai parlé plus spécialement du magistère proprement dit, du mode d'opérer de ce catalyseur de vie que l'on s'efforce de se prévaloir. Alors, j'aborde l'alchimie sur son côté ésotérique. C'est une science multimillénaire. Et on doit même dire qu'elle n'a pas été codifiée et élaborée par l'homme terrestre. Cette science nous vient d'ailleurs, de nos amis d'ailleurs, comme dirait un homme que l'on vénère tous. Nos amis d'ailleurs nous ont laissé cette science afin de pouvoir naviguer plus facilement à travers des conditions qui étaient hostiles, soit notre humanisation sur la Terre, une planète à laquelle nous n'étions pas voués originalement. L'homme a donc été introduit sur la Terre il y a quelques millénaires et au cours de son cheminement à travers la brousse hostile, il a reçu l'aide de Céleste, de ses amis d'ailleurs, de ceux qui sont responsables pour son humanisation. On l'avait mis dans un jardin expérimental, un jardin biogénique, au sein duquel il avait toutes les facilités d'évoluer de son état adolescent qu'il était alors, afin qu'il devienne pleinement adulte et capable de gérer la Terre au profit de ceux qui l'avaient ainsi expédié sur cette Terre hostile. Alors, nos amis d'ailleurs, nos célestes, pendant un certain temps, ont surveillé l'homme original, l'homme adamique, que c'eût été un couple seulement ou une race spéciale ou un groupe quelconque provenant d'une autre partie du système solaire. Et au cours de cette période de temps, l'homme s'est comporté assez bien. Mais comme il y avait déjà des races préexistantes, ce qu'on appelle communément encore des races pré-adamiques, il a subi l'influence de ces espèces inférieures et l'a dévié du plan original. Il a désobéi à cette interdiction qu'on lui avait donnée de ne pas se mélanger avec les races rampantes, qu'on appelait les serpents de sagesse. Et son évolution a donc été interrompue. Et ce qu'on appelle communément la chute de l'homme. Ce n'est pas une chute, c'est simplement une erreur de jugement, car on lui avait voué toutes les prérogatives dont il pouvait se prévaloir. Et il a pris avantage de son libre arbitre, pour ainsi dire. Il voulait savoir, il voulait goûter, toucher, mettre la main à l'arbre de vie. C'était à son détriment. Et ça brisait son arbre de vie. Et depuis ce temps, il doit le reconstituer, cet arbre de vie, et en prenant l'élan vital à sa source et la conduisant vers un plan supérieur. L'homme vient donc d'ailleurs, que ce soit de Vénus, que ce soit de Mercure, ou directement de l'orbe solaire, on n'est pas en mesure de le préciser. Mais l'homme vient d'ailleurs. C'est une création spéciale et si n'eût été de cette désobéissance, cette erreur de jugement, de prendre son sort en main, il sera aujourd'hui au niveau de ses créateurs. C'était le but des célestes, de créer un homme à leur image. Je dis bien à leur image, parce que la Bible emploie le terme pluriel. Et les procréateurs de l'homme, c'était les Elohim. Et on nous dit bien dans la Bible que si l'homme alla maintenant se prévaloir de toutes les ressources à sa disposition, il deviendra semblable à l'un de nous. C'est une preuve bien définie que l'homme est intentionné, destiné à devenir semblable à ses progéniteurs. Faisons l'homme à notre image, pas à mon image, à notre ressemblance, est-il dit dans la Bible. Et s'il n'eût été de cette erreur de jugement, cette témérité, l'homme sera aujourd'hui un être supérieur. Ce ne sera pas simplement un hominien, mais ce sera vraiment un être humain détenant toutes les prérogatives de ses créateurs. Maintenant, au cours des âges, des êtres plus érudits, plus illuminés que d'autres, ont conçu un moyen de réparer cette tare à sa nature et ont dévié plusieurs techniques. La plus importante et la plus efficace, on l'a appelée l'alchimie, c'est-à-dire la science des choses supérieures, des forces supérieures. Et cette alchimie a été enseignée précisément par les gens, les célestes, qui venaient encore guider l'homme au cours de son cheminement sur la terre pour faciliter sa progression vers l'ascension supérieure. L'alchimie a donc été enseignée aux races primitives par ces célestes. Et ce que l'on a retenu au cours des âges, on en a codifié une science que l'on appelle communément l'or royal, ou le grand art, ou le grand œuvre. Depuis quelques décennies, je pourrais dire presque un demi-siècle, on sait à quoi s'attendre et on sait comment procéder pour prendre notre destin en main et le mener vers le but auquel nous tendons tous, c'est-à-dire revenir à l'état de pureté originale. Cette alchimie consistait à réaliser que l'homme, sous son aspect matériel, corporel, contient tout ce qu'il y a dans la nature. Autrement dit, l'homme est un petit monde, et inversement, la nature, c'est le grand homme, l'Adam Kadmon, un autre emploie ce terme, l'homme universel. Et en trouvant dans la nature une essence qui contenait toutes les forces qui sont en existence dans l'univers, des forces radiantes, des forces dominante et, enfin, les trois éléments principaux, on pouvait faire sur cette matière, avec cette matière, un catalyseur qui éveillerait en nous ce qui serait devenu à l'état latent ou à l'état atrophié. À partir du 11e siècle, des illuminés comme Jacob Böhm et les grands rosicruciens de la période ont conçu une méthode de procédure qui visait à stimuler cette énergie insoupçonnée et latente ou en léthargie dans l'homme. Et on a devisé un magistère, un mode de procédure qui mène à la fabrication d'un élixir ou d'un catalyseur. Cet élixir, on l'appelle la pierre philosophale ou une pierre radiante, une pierre qui contient une énergie, laquelle étant introduite dans un des règnes de la nature, que ce soit dans le règne minéral, végétal ou hominal, accélère sa croissance, son évolution, et le mène aux fins que le Créateur est en train de lui prodiguer. On a trouvé une pierre dans la nature que l'on appelle communément le cinabre. Le mot veut rien dire, c'est un sulfure de mercure. Mais cette pierre-là contient une énergie radiante, une énergie attrayante également, et quand on en a séparé les éléments qu'elle contient par une méthode, une procédure bien simple, soit la trituration au mortier et au pilon, et l'avoir pulvérisée, on a une matière que l'on pourra rendre semblable au radium que les Curie ont découvert il y a à peine un siècle. Et cette substance-là, quand elle est introduite après l'avoir épurée de ses terrestrialités, agit dans le système comme un accélérateur de vie supérieure. On prend habituellement notre pierre qui, après l'avoir pulvérisée, doit se dépouiller de toutes ses impuretés. Et en prenant un catalyseur, une énergie qui vient directement des espaces célestes, soit le nitre atmosphérique, qui est transmis sur la Terre par la Lune au temps de Pâques, en provenance du soleil, ce sont des photons, on recueille un sel qui aura le même effet dans le système qu'une injection d'adrénaline. Ça décuple sa force latente. Et quand on a atteint cet état-là, on peut dire, là, je vis vraiment. d'une vie insoupçonnée auparavant. Cette vie, je dis qu'elle est insoupçonnée. On la soupçonne tous dans des moments privilégiés, mais c'est sporadique. Alors que cette vie-là, on devrait toujours en être conscient. Dans notre organisme tout entier, au lieu d'en être conscient sporadiquement, je me répète. Alors, cet élixir de longue vie et cet épurateur du système, c'est la chose la plus désirable au monde. Autrement, on subit le sort de toutes les espèces ambulantes qu'il y a sur la Terre. On vit un certain temps, et après avoir épuisé nos ressources d'énergie terrestre, on cède notre scaphandre à la nature. Quand on s'est prévalu de cette essence-là, de cette quintessence, qui est ce qu'il y a de plus subtil dans tous les éléments de la nature, on est vraiment rené de nouveau. On appelle la transmutation une renaissance, une deuxième naissance. C'est véritablement l'éveil de ce qui est latent en nous. Alors, le but primordial et principal de l'alchimie, ce n'est pas de transmuer du plomb en or ou de solidifier du mercure, c'est de rendre l'homme conscient de l'énergie dont il avait été infusé au tout début de sa création et dont il s'est départi pour avoir agi témérairement en se mélangeant avec les espèces rampantes ou les espèces inférieures, les espèces pré-adamiques. Cette procédure exige une période de préparation. Il faut d'abord croire en la véracité de cet enseignement-là et non seulement y croire, mais s'y vouer tout entier. C'est un travail de toute une vie parce que ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup d'applications, beaucoup de patience et un élément impondérable qu'on appelle la grâce de Dieu. On dit toujours, sans la grâce de Dieu, rien ne peut s'accomplir dans ce domaine-là. Alors, c'est précisément ce que l'alchimiste tend à faire de sa vie, se surpasser, se transhumaniser pour devenir vraiment un être à l'image de son Créateur. Nous voyons notre alchimiste au travail dans son laboratoire. Préalablement, il s'était procuré plusieurs gallons de rosée en étendant des draps sur les blés. Et quand ils eurent été imbibés, on extraya cette rosée pour la faire par la suite évaporer au four et retenir le sel qu'elle contient. Ce sel, c'est un épinimoins, son épinimoins des photons, des entités d'énergie solaire qui sont corporifiées dans des éléments de la nature. Alors, ce sel-là, qu'on appelle notre agent primordial, d'autres, plus précis, l'appellent le sperme universel, voulant dire que c'est la source de vie de tout ce qui a existence dans le monde. Alors, ce sel devient le catalyseur que l'on emploiera pour réveiller cette vie latente dans les terrains de la nature. Et je précise, sur le côté ésotérique, il s'agit d'éveiller la vie, la divinité latente en nous. J'emploie le terme divinité latente à l'instar de saint Thomas d'Aquin, qui, dans ses hymnes au soleil ou à l'être solaire, l'appelle « Je t'adore » avec révérence aux divinités latentes. Alors, c'est cette tête qui est engrossée d'une scaphandre de matière que l'on doit éveiller de sa léthargie. Quand on a réussi à pulvériser cette pierre originale qui contient les trois éléments, sel, soufre et mercure, à l'aide de ce catalyseur cosmique qui est le nitre atmosphérique, on la débarrasse de ses impuretés, de ses terrestrités, et on en fait d'abord une pierre radiante et par la suite une huile que l'on appelle une huile christique. Mais j'emploie le terme adjectif christique comme voulant dire provenant du soleil et non pas ayant trait au personnage historique que l'on a adopté comme notre modèle d'édification. Alors, cette huile christique que l'on remplace aujourd'hui par le Saint-Crème que l'on donne aux moribonds pour les faire mourir dans la lumière, on l'appelait autrefois la chrysopée, l'huile solaire, qui rendait l'homme conscient de ce qui réside en lui, tout en étant incarné dans sa scaphandre. Cette huile christique, c'est le résultat ultime du travail alchimique. Une gouttelette prise dans un simple verre d'eau, de vin, de bouillon quelconque, éveille tout ce qu'il y a de latent en vous. Quelque chose insoupçonné, tellement que c'est dynamique. Et le cri de joie que l'alchimiste qui réussit cette imbibition peut dire, enfin, là je vis, je sens qu'il y a un moteur d'énergie supérieur à tout ce que j'ai éprouvé auparavant. Et j'en serai toujours conscient. Il n'a pas de choix, il en sera conscient malgré lui. Parce que cette énergie-là, c'est de l'énergie radiante, c'est de l'énergie solaire même. Et l'homme, en réalité, n'est qu'une étincelle du brasier solaire. L'homme est une entité solaire habillée de matière terrestre, de terrestrialité. Et c'est cette entité solaire-là, cette entité spirituelle, cette entité christique que l'homme doit éveiller en lui pour dire « Je suis vraiment hominisé, humanisé ». La procédure est longue. On dit qu'elle dure le temps d'une gestation, 9 mois, 282 jours. Et elle ne peut se faire que dans des conditions favorables. Ça demande un laboratoire, un attirail du paraphernalia, un creuset, des cornues, dont on sert pour épurer notre pierre originale de toutes ses impuretés. Et quand on a réussi à épurer cette pierre, ce que l'on a en potentiel, c'est de la vie en dynamisme disponible que l'on emploie périodiquement pour se maintenir sur un niveau supérieur de vitalité, sur les trois plans, biologique, psychique, aussi bien que spirituel. Parce que l'homme est véritablement un être unitaire, à l'image de son créateur, qui, lui aussi, détient ces trois forces primordiales. Nous les appelons, comme je l'ai dit, sel, soufre, mercure. Mais il ne faut pas confondre ces trois éléments-là avec ceux que l'on trouvera dans la pharmacopée. Ce n'est pas le soufre qu'on nous donne au printemps pour nous purger, ni le mercure qu'on trouvera dans notre thermomètre, ni le sel que l'on mettra sur nos œufs le matin. Le sel, on l'appelle S-C-E-L. C'est ce qui scelle ces deux éléments magnétiques et dynamiques, qui sont respectivement le mercure et le soufre. Et quand on a réussi ce magistère-là, ce grand œuvre, là, l'homme peut dire qu'il n'a plus rien à atteindre sur le plan physique, parce qu'il est conscient de tous les plans d'être-té, non seulement du plan purement matériel, il est conscient de son plan animique aussi, parce qu'il est animé de toute la force de la nature, mais aussi il est conscient des plans supérieurs auxquels il aura inévitablement accès quand il aura passé par le tremplin matériel. Alors, c'est précisément ça en quoi consiste l'alchimie. Et son aspect ésotérique, l'aspect caché, l'aspect insoupçonné, est précisément ceci. Voir ce qu'il y a derrière le texte, derrière la lettre. Se soucier plutôt de l'esprit de la chose que de la lettre. Dans tous les enseignements ésotériques, que ce soit dans les centres d'initiation ou bien dans les variétés de religions qu'on a codifiées au cours des siècles, on a toujours visé à cette réalisation-là. Nous, depuis deux millénaires, nous avons codifié ce qu'on appelle une christologie, une liturgie, un travail qui a pour but de créer la pierre en nous, de devenir une pierre vivante. Alors, la liturgie christique, la liturgie catholique, symbolise précisément ce que l'homme doit faire pour atteindre cet état d'être-té supérieur qui est son destin. Nous voyons le prêtre faire une transmutation, une transsubstantiation de deux matières représentant l'élément liquide et l'élément solide, afin de produire une pastille eucharistique, une pastille amorisante. Le mot eucharistie contient le mot charis, n'est-ce pas? Charité. Alors, cette pastille-là, symboliquement, ou cette astille, a pour but d'éveiller l'amour de Dieu en vous, par la mendication que vous avez de ce qui est censé être le corps du Christ, mais pas du personnage historique, le corps de l'entité solaire. Et quand cette entité solaire est éveillée en vous, vous pouvez dire vraiment le Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, je suis vraiment conscient de ma nature solaire, de ma nature divine. Alors, sur l'ascensoir, où nous faisons, en face de l'ascensoir, où nous faisons des heures d'adoration, nous avons une effigie du soleil, n'est-ce pas? Un bijou qui représente le soleil avec ses rayons et la symbolique christique au centre. Et nous méditons sur ce symbole afin de réaliser que notre but est d'atteindre cet état christique, cet état solaire. Et quand on a suffisamment médité, suffisamment pour atteindre les plans supérieurs de notre conscience, on réalise vraiment que ce n'est pas des fantasmagories que ces heures de méditation. C'est la chose la plus précieuse dans toute la liturgie christique, la liturgie chrétienne, et dans tout l'enseignement initiatique. Qu'il soit ce symbole christique, ou bien ce symbole, d'autres symboles, c'est la même chose. Alors, je crois que, avec mon infécilité de langage, j'ai réussi à vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de transmuer du plan en or ou de solidifier du mercure pour en faire un métal précieux. Alors, c'est de ça qu'il s'agit de l'alchimie. Alors, son aspect ésotérique, son aspect caché, son aspect insoupçonné, c'est de vous transhominiser, transhumaniser, d'atteindre l'état divin qui est votre prérogative à chacun de vous, à chacun de nous. Alors, ça, c'est le but de l'alchimie. On pourra gloser pendant bien des heures, avec infiniment plus de verbe et d'éloquence, mais je crois que le résultat sera le même. Il s'agit de se déifier, de se transcender, de se transhumaniser. Voilà ce en quoi consiste l'alchimie dans sa définition ultime. Solaire extravagant, improbable, même utopique, mais bien sûr, c'est ce à quoi on visite tous les maîtres de la chrétienté, aussi bien que ceux qui les ont précédés. Dernièrement, on a beaucoup popularisé un phénomène qui va se produire sous peu. La perception, la percipience, je dirais, de l'élément solaire, qui, dans des conditions favorables, se révélera à l'humanité tout entière. Je parle de la réapparition du Maitreya ou du Christ sur Terre, le retour du Christ sur Terre. Mais comme nous l'a fait comprendre si bien Mgr Schaffner tout dernièrement, le Christ, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une personnalité, c'est un principe cosmique. Et le principe cosmique englobe toute la Terre. Et comme notre Soleil, qui est le Fils du Très-Haut, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu. Le Christ est le Fils de Dieu. Le Christ, l'être solaire. Recevra la conjonction du Père de toutes les lumières, soit de son terre. Alors là, il n'y aura plus d'énergie spirituelle d'irradier à la surface de la Terre. Et durant 24 heures, durant son contour du Soleil, elle recevra cette impulsion christique, cette impulsion solaire, doublée d'une énergie supérieure provenant de son terre ou de Sotis. Et c'est là que ce phénomène tant prévu va avoir son effet, que les gens, le monde entier, par tous les moyens et en proportion avec leur sensibilité spirituelle aussi bien qu'intellectuelle, vont voir enfin le Christ. On sait ce que c'est que le Christ. Le Christ est la source de vie, de toute notre vie, pas rien que la vie végétative, la vie affective, intellectuelle, la vie dans sa totalité. Alors, le Christ, c'est la vie. Alors, c'est ça que la chimie vise à éveiller en nous, de nous rendre plus conscients de la source de vie et par les moyens empiriques que l'on nous a donnés au cours des siècles. Et la chimie, même sur son aspect le plus grossier, vise encore à atteindre l'élément le plus subtil en nous. Alors, je crois que vous comprenez tous derrière la lettre et derrière le symbole, qu'il y a une vérité qui dépasse notre entraînement purement cérébral, et que avoir foi en cette réalisation, c'est le plus beau geste que l'on puisse poser, et c'est la manière la plus efficace de s'en prévaloir. Nous allons voir sous peu, ou entendre, ou sentir, plutôt sentir, cette présence universelle englober toute la Terre. Et je crois que, à travers la Terre tout entière, des multitudes de gens vont dire « Oui, je sais enfin de quoi il s'agit. » Et ce « quoi » faudrait le mettre avec des lettres majuscules. Alors, ça c'est le but de l'alchimie, c'est la rationale de l'alchimie, et c'est toute la philosophie de l'alchimie. Et si on a tant de l'oser sur l'aspect matériel, l'aspect du magistère, c'est simplement parce que nous comprenons sensoriellement. Ce qui ne passe pas par les sens, habituellement, n'atteint pas notre conscience. Mais ce phénomène cosmique vise à atteindre les profondeurs de notre conscience, afin que l'on dise non. Maintenant, nous savons vraiment de quoi il s'agit à travers tous ces siècles de confusion qui ont prévalu parmi la race. Alors, la pierre philosophale, le Christ cosmique, c'est simplement la source de notre vie. Dans les Épîtres aux Hébreux, Saint Pierre nous dit, la pierre était vraiment le Christ. Il dit ça. Petra autem meta. Erat Christus. Alors, l'homme est une pierre vivante. Et cette pierre-là, elle est radiante. Son but est donc d'irradier la vie, qu'elle aura puisée de la source de toute vie. Alors, c'est là, mes bons amis, le but de l'alchimie. Je vous l'exprime en termes plutôt abscons, mais je crois que vous soupçonnez tous de quoi il s'agit. Je pourrais gloser plus longtemps, mais je ne pourrai pas en dire plus. Vous le croyez, et dans quelques jours, vous en aurez une preuve, je ne dirais pas sensorielle, mais assez sensible pour dire oui. Malgré que je ne comprends pas, je crois, puis je sens. Eh bien. Merci de m'avoir accueilli. Que dire après ce long exposé, Alex? Vous ramenez l'être humain à sa source de lumière, à sa source solaire. Donc, les êtres qui ont créé l'homme à son image ou à leur image sont des êtres de lumière, des êtres solaires. C'est tellement précis ce que vous dites là. Tellement précis, on ne pourra pas l'énoncer autrement. L'homme est un être de lumière, je vais dire une étincelle du brasier solaire. Mais cette étincelle peut faire une conflagration dans toute sa nature, aussi bien que la nature tout entière. Oui, l'homme est vraiment un être de lumière. Que penser de ceux qui mélangent peut-être les extraterrestres et les êtres de lumière? Tout ce qui est au dehors de la périphérie de la sphère terrestre, on pourrait appeler ça extraterrestre. L'espace ambiant n'est pas nécessairement vide. S'il semble qu'il y ait de la vacuité, on se trompe grandement. On pourrait parler de toutes les longueurs d'onde qui sillonnent tout l'espace. Ce sont des lignes de force. Et ces longueurs d'onde sont vraiment des lignes de vie. Ce sont des lignes de vie parce qu'ils émanent par des êtres qui dirigent tout autour d'eux l'énergie qu'ils détiennent. Alors, des êtres de lumière, ne faut pas les confondre avec des êtres qui n'ont pas encore atteint cet état de lucidité ou de luminosité. Il y en a plusieurs catégories. Des élémentaux sont des êtres, des extraterrestres. Ceux de l'espace, qu'on appelle les gremlins, les salamandres, tout ça. Mais il y a plusieurs niveaux d'être-té à la surface de la Terre. Et cette surface de la Terre, c'est rien que le quatrième plan. Il y a deux autres plans au-dessus de la couche terrestre qui sont pleins de vie. Et on s'en est aperçu durant le temps de la guerre, hein, que les couches supérieures à la croûte de la Terre étaient pleines de vie. Et, semblablement, à l'intérieur de la Terre, c'est le même phénomène qui se passe. Nous occupons le plan médian entre l'infraterrestre et l'extra ou supraterrestre. Nous occupons ce plan médian. Nous sommes sur le plan tridimensionnaire. Mais il y a des dimensions supérieures et inférieures. Et notre but, c'est d'atteindre cette dimension supérieure. Et là, nous serons nous-mêmes véritablement des êtres de lumière, c'est-à-dire qui participeront à la lumière solaire en l'ayant accueillie plus librement en nous qu'on peut. Le feu n'est pas nécessairement de la flamme, n'est-ce pas? La pierre de votre briquet, c'est du feu, mais du feu en latence. Et fait, la matière tout entière contient du feu, et dès qu'il est éveillé, ça devient de la flamme. Mais seulement, une flamme peut incinérer bien des choses et peut éveiller la vie dans bien des choses. Hein. Alors, le feu, c'est simplement une manifestation d'énergie latente dans la matière. Une manifestation peut être destructive, nocive ou créative. La vie, c'est un feu. La première définition que l'on a de la déité, de Dieu, du grand tout, c'est Moïse qui nous la donne, avec l'illustration du buisson ardent. Il demande « Qui es-tu ?»« Ou qu'es-tu ?» Et le buisson répond « Je suis l'être, ego sum qui sum, je suis l'être été. » Bon, alors c'est le buisson qui se brûle sans se consumer. La vie est un feu en latence. Bon, mais ce feu-là peut détruire aussi bien que guérir. Il y a le feu à l'extérieur, le soleil extérieur, et il y a le feu à l'intérieur, et on met les élus au ciel, et on met les damnés dans la terre. Je dirais d'emblée que c'est un peu péril d'accepter une condition comme ça, mais parce que il n'y a pas ni haut ni bas, hein, dans l'espace. Hein. Ce qui est en haut à un moment, c'est le bas. C'est l'enfer, c'est l'envers du ciel, quoi. Hein. Alors, l'enfer, c'est être enfermé en soi, au sens métaphysique, au sens théologique, au sens moral. On est enfermé dans notre petit égo, on refuse de s'irradier, alors on est enfermé en soi-même. Ça, c'est un enfer. On est enfermé dans notre nullité. Hein. Alors que le ciel, ben, c'est l'irradiation de soi dans toutes les directions, à la ronde. Alors, ces termes-là, faut les employer avec un peu de perspicacité, dire ciel et enfer, sont des figures de langage, très bien, mais qu'on ne doit pas interpréter littéralement. Vous nous avez dit que l'homme adamique a été tenté dans sa quête de savoir et c'est l'arbre de vie qui l'a finalement fait des choix. Cet arbre de vie, est-ce que ça peut être l'ADN? L'ADN, c'est la double spirale, n'est-ce pas? Bon, on en a un bel exemple dans le caducé d'Hermès, le symbole de la médecine. On l'a dans tout. L'arbre de vie... C'est l'épine dorsale de l'homme. C'est sur quoi l'homme est bâti. Hein? C'est le pivot de son être. Hein? Hein? Alors, l'arbre de vie reçoit l'essence vitale, qui est une force tellurique, par les chakras inférieurs, et l'essence spirituelle, par les chakras supérieurs. L'énergie céleste vient par les centres supérieurs, les centres christiques, et l'énergie tellurique vient par les centres inférieurs. Et au plexus solaire, le point médian de notre être, il y a un convertisseur d'énergie solaire en énergie humaine, où là se fait la conversion et la fusion des deux énergies, afin de pouvoir agir sur le plan terrestre. Et les deux manifestations sont ceci, la fusion de ce qui est dynamique et de ce qui est magnétique. Dynamique, ce sera le céleste, et magnétique, ce sera le terrestre. La Terre est négative relativement à l'espace, à l'hyperespace. Donc, la vie est véritablement une double spirale, quelque chose qui spire. Observez que dans le mot spire, spirituel, spirale, vous avez le mot pire, n'est-ce pas, qui est du feu. Dieu, ou la vie, est vraiment un feu en gestation, en latence, qui se manifeste selon les véhicules à travers lesquels il circule. Alors la vie, c'est un feu. Cette fameuse cellule ou chaîne de vie, le caducée, est portée par Mercure. Mercure, qui a des ailes aux pieds et à la tête. C'est un être qui voyage. Oui. Mercure, c'est une divinité grecque, romaine, qu'on appelait le messager des dieux. Alors, le dieu, la vie se manifeste par tous les moyens à sa disposition. Nous, en alchimie, on parle du mercure universel, qui est omnilatant, partout présent. Si on, dans des conditions favorables, des conditions atmosphériques favorables, on peut voir des billions, des millions de petites particules de lumière qui scintillent devant nos yeux. On dit ça, le mercure universel. Des photons d'énergie solaire qui, en passant à travers l'atmosphère, deviennent quelque peu lumineux. Alors, ça, c'est le mercure universel, le véhicule d'évolution divine. Bon. Alors, ce mercure, nous l'avons adopté comme une nomenclature de notre élément attractif. Alors, c'est pareil comme tous les autres symboles. Il ne faut pas l'interpréter comme un personnage historique. Quoique, on a écrit bien des narrations à son sujet. En mythologie, par exemple, on lui a fait faire plusieurs péripéties. Mais c'est le véhicule des énergies divines. C'est le médium de transmission de la vie à travers les mondes. Ça, c'est Mercure. Lorsqu'on lit la Bible dans les premiers hommes, que ce soit Abraham et même avant, ils vivaient très longtemps, 700, 800 ans. Et plus c'était long, plus la longévité diminuait, raccourcissait le temps de vie. Est-ce que Mercure est celui, pas nécessairement l'être individualisé dans une personnalité genre humaine, mais est-ce que ce serait cette entité qui aurait dérobé à l'homme le plan de la clé de la chaîne génétique qu'on reconnaît dans le caducée? Oui, parler de la chaîne génétique, c'est important, parce que les créateurs, les procréateurs de l'homme, c'était des ingénieurs généticiens. Bon, j'ai dit que l'homme était une création spéciale, un hybride. Il y avait des races préexistantes avant l'Adam Cadmon, l'Adam Richon. Alors ces races-là, c'était des hominiens, des terriens et des races inférieures. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut altérer le plan génétique. On peut travailler sur les gènes comme on peut travailler sur la cellule. Alors on dit que la génitalité, aussi bien que la génialité, ça provient tous des gènes. Mais des gènes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des événements. Ce ne sont pas des choses qu'on peut prendre dans notre main. C'est comme des étincelles de vie. Les gènes, ce sont des étincelles du brasier solaire qui sont coagulées dans une cellule ou dans des cellules. Alors, les gènes qui sont contenus dans tous nos fluides, alors, ce n'est plus moins la vie solaire en circulation dans un véhicule charnel ou cellulaire. Le goût inné de l'être humain de d'abord maîtriser le feu pour la chaleur, la cuisson, la défense, en arriver quelques milliers d'années plus tard à couvrir l'essentiel de l'énergie solaire par l'énergie atomique. Voici. Et on a parlé de Prométhée qui avait dérobé le feu du ciel, n'est-ce pas? On dit que la plus grande découverte, ce n'est pas une découverte. Le plus grand cadeau qui a été fait à l'homme, c'était le feu. Et Prométhée lui a fait ce cadeau-là. Sans feu, pas de vie. Et la lumière. Donc ce feu, qui est symbolisé par ce buisson ardent, qui est à la base de notre être-té, de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. Parce que c'est un feu. Et qui doit faire son ascension jusqu'à son sommet. De l'homme. On l'a représenté dans la religion catholique par le feu divin, l'agnus dei, un petit scapulaire que l'on portait autrefois qui avait une forme de cœur, puis de ce cœur-là jaillissait une flamme. Il y en a certainement qui ont vu ces petits scapulaires-là. On appelait ça un agnus dei. Mais agnus avait le sens de agni, qui veut dire feu, ou le feu divin. Hein? Alors le feu devait être monté ou sublimé au centre affectif, au lieu de rester à l'état latent ou nocif dans la zone inférieure. Alors, ce feu, c'est la vie. La vie est un feu. Les Templiers l'ont toujours signifié en disant « Dieu le veut ». Mais ce qu'il voulait dire, le F était, était permuté en un F. On fait en cabale une permutation de voyelles aussi bien que de consonnes. Hein? Alors Dieu le feu, c'est ça qu'il voulait dire. Alors le F devait remplacer le V. Alors c'était la cabale des premiers Templiers. Dieu, c'est le feu de la vie, et que l'on doit avoir au cœur. Et l'alchimie se prévaut de cette facilité-là, de sublimer le feu pour que ce soit au centre où il doit exister, le feu de l'amour. Sur un plan psychologique, on dit, si l'être humain utilise les bombes atomiques, ça va être une destruction de la forme qui serait terrible. Mais est-ce que ça pourrait être quelque chose de très positif que l'être humain en arrive à utiliser l'énergie atomique pour tout renvoyer au plan du feu, par le feu, tout renvoyer à la lumière? Oui, parce que tout est cyclique. Tout est cyclique. C'est symbolisé en alchimie, en plusieurs formes de philosophie, par l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ceux qui ont lu quelques traités d'alchimie ont dû voir cette illustration-là. Un serpent qui se tombe et qui se mord la queue. C'est l'éternel retour, le retour incessant, cyclique. Alors, c'est précisément ça, l'éternel retour. Et le feu retourne à sa source, d'où il provient. Et c'est le grand mystère, ça, le retour à la maison du Père, à la fournaise cosmique. Comme la chenille qui tisse son cocon, on pense qu'elle va mourir, elle se transforme en papillon. Est-ce que comme l'homme tisse son enfer, se prépare à ne pas mourir, mais la métamorphose de la chenille en un papillon, c'est une description de notre évolution à nous. Bon, alors, la chenille meurt véritablement après qu'elle a exudé toute sa substance et quand elle atteint l'état de chrysalide, chrysalide encore or, hein, quand elle atteint l'état de chrysalide, elle jaillit de son cocon. Il sort pour avoir accès à un plan supérieur de l'être. Alors qu'autrefois, elle était rampante, là, elle devient volante. Elle a accès à toute la liberté de l'espace. Et l'homme est dans la même situation. Il laisse sa coquille charnelle, son enveloppe charnelle, tout comme il laissait l'arrière-fin du sein maternel pour avoir la liberté du mouvement ambiant. Alors, la chenille, c'est ni plus moins le premier stage d'évolution d'un être quelconque, ou l'illustration. Et pour l'homme, ça s'applique aussi. Le frère Marie Victorin, il y a quelques années, attira notre attention sur ce phénomène-là. Il dit, si on voit rien qu'un phénomène de transmutation, transformation, c'est peu, mais il faut voir notre destin dans ça également. Et il a fait une chose aussi qui nous a étonné énormément. Il avait habitué certaines chenilles à s'alimenter de certains sucres d'érable, ou d'autres choses. Et ces chenilles qui, au cours de leur existence rampante, ne s'était nourri que de sucre d'érable, à l'état de papillon, se nourrissait de sucre d'érable, rien d'autre chose. Ils avaient donc une souvenance de leur état antécédent. Ils avaient donc la même être-té, la même égoïté. Et pour nous, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Alors, ce que l'on a accumulé, assimilé, et ce dont on se sera nourri au cours de notre vie terrestre, ça nous servira pour notre destin ultime. Est-ce qu'on peut parler de cette manière-là, si la musique nous a passionnés ou si... Oui, ça s'applique très bien, ça. La musique, c'est, ni plus ni moins, éveiller en nous des centres réceptifs que d'autres formes de vibrations ne pourraient pas éveiller. La musique nous met en accord avec tout ce qui est supérieur. C'est que dans la chimie dont vous nous parlez, on voit beaucoup de choses. C'est très visuel. C'est très peu auditif. Parlez-nous un peu du côté auditif, parce que dans l'entrevue de télévision que vous nous avez accordée, vous nous avez dit que vous étiez surtout doué d'une audition. Je ne suis pas clairvoyant. Comme vous le constatez, j'ai mal aux yeux. Mais j'entends. Si vous passez dans ma direction et vous verbalisez vos paroles, je suis dans un état réceptif, je vous entendrai me parler. Et j'aurais même tendance à vous répondre. Oui, il faudra que vous verbalisiez vos paroles, hein, les prononcer intérieurement. Et je répète, si je suis dans un état respectif, vous dites, très bien, mon homme, très bien, d'accord. Alors ça, c'est un mode de perception auditive. Moi, je suis pas musicien, mais je vais racler un violon pendant un certain temps. J'ai plutôt la perspicience auditive que visuelle. Ouais. Parce que les bruits ne cessent pas. Ils peuvent diminuer d'intensité, mais ils continuent toujours. C'est pas comme si vous lancez un caillou dans l'eau, par exemple, il va se faire des cercles centrifuges, hein, des cercles concentriques. Mais ça diminue. Ça ne cesse pas, ces cercles-là. Ça continue. Alors, dans l'éther, dans l'hyperespace, une parole que vous avez douée d'une énergie, que vous avez verbalisée, elle va se transmettre. Si tambour réceptif, oui, c'est possible. Alors, les paroles sont du bruit, du moins c'est de la matière en vibration. C'est de la matière en vibration. Et le cerveau se sert de matière pour s'exprimer. Alors, matière très subtile, si vous voulez, on l'appelle le centre de Broca. Le centre de Broca, c'est pareil comme la ferrite sur une bande magnétique. Exactement ça. Il est psychoplastique, c'est-à-dire qu'il enregistre tout ce qui a mis une vibration. Et dans des conditions favorables, on pourra faire répéter par un feedback, comme on appelle, cette chose-là. Les savants contemporains font ça depuis un certain temps. Même en piquant certains centres, on peut révoquer une impression auditive qui aurait été émise plusieurs semaines auparavant. Ça, on a constaté ça à l'Université de Montréal, ici. Le docteur Cilly, Anne Cilly, par exemple. Alors que les paroles restent. On dit que ce sont les écrits qui restent. Non, on peut détruire les écrits, mais les paroles restent. Ou du moins, on peut les percevoir. On peut révoquer des sons. Ah oui. Ah oui. Quand je vous mets au pied du mur, vous avez déjà réalisé l'œuvre alchimique, ou vous avez déjà eu l'huile christique, et vous nous avez dit tantôt, quand on a passé par là, on peut dire « là, c'est vivre ». Et alors donc, vous nous avez parlé qu'il y a plusieurs réalités dans la nôtre, mais qui sont invisibles. Vous avez vécu, vous avez découvert qu'autour de nous, il y a d'autres choses que ce qu'on voit. Oui, certainement. C'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, mais on se demandait, quand on en est devenu conscient, comment ça se fait que je ne l'ai pas réalisé auparavant. Mais on était comme mobilés par notre concentration sur nous-mêmes, puis on dit, si pour peu que je m'ouvre les yeux, je verrai à travers cette opacité. Ouais. Oui. Alors, c'est pas nécessairement la clairvoyance, c'est être pleinement ouvert, tu sais, voir avec plus d'acuité. Alors, on pourrait dire, il y a 7 plans de vie, hein. On a 7 centres d'émotivité, 7 centres de vitalité. Alors, ces 7 plans-là, on peut en devenir conscient, de plus en plus conscient. Toutes les méthodes de méditation transcendantale visent à ça. Les unes sont plus ou moins puériles, mais ceux qui les exercent avec efficacité et connaissance de cause peuvent devenir conscients de plusieurs paliers de vibrations comme ça. Ce sont tous des plans. Ouais. Ce sont des paliers de vie, pareil comme différentes octaves d'une gamme musicale. Ouais. Qu'est-ce qui, pour vous, paraît être le plus important? La connaissance de soi. Si vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes, puis toujours, je mets le cœur avec des majuscules, hein? Alors, là, vous avez connaissance du tout, parce que j'en fais partie intrinsèque. Alors, si vous connaissez vous-même, c'est l'exemple de Platon, hein? Alors vous connaissez tout, parce que vous êtes non seulement une parcelle du tout, mais le tout. Le tout, en miniature, mais le tout quand même. Le diapositif contient en miniature tout ce qu'il y aura sur l'écran, en magnitude. Alors, l'homme contient Dieu en potentiel, pour peu qu'il sache établir cette liaison entre lui et son grand moi. Est-ce que celui qu'on a appelé le Christ, Jésus de Nazareth, est celui qui a réalisé cela? Oui, le plus efficacement. C'est celui qu'on a proposé, la vénération des fidèles, parce qu'il était plus près de nous, fait partie de notre lignée judéo-chrétienne. Mais On sait maintenant qu'il y a eu plusieurs avatars, plusieurs inspirés avant lui, de moindre calibre, je l'admets, ou du moins. On n'a pas aussi suffisamment de notions pour les mettre en valeur, mais plusieurs individus, au cours des siècles, au cours des millénaires, ont réalisé cette identité-là avec le grand tout et sont efforcés, selon chacun leur mesure de compétence, à faire réaliser ça à leurs confrères. Alors, le Christ, c'est celui qui a réalisé pleinement le Nazaréen, disons, pleinement, toutes les potentialités de l'homme, et que c'était forcé, malgré l'hostilité qu'on lui a manifestée, à le faire réaliser à la ronde, tout autour de lui. Et aujourd'hui, son message était tellement dynamique qu'il persiste encore. Et là, bien après 2000 ans, disons, on veut le faire revivre. Et on va réaliser que ce qu'il disait, ce n'était pas de lui. Hein? Ce n'est pas moi. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Hein, c'est ça que je voulais dire. Le Père, c'est-à-dire le grand tout, l'être, dont je ne suis que le représentant, que le véhicule, que le porte-parole, pour ainsi dire. Alors, le Christ, celui qui a le plus réalisé, c'est le dernier avatar, le dernier exemplificateur, on l'accepte, puis il nous convient, puis on n'en veut pas d'autre. Ça nous suffit. Vous avez fait allusion dans votre exposé tantôt à Maitreya. C'est un des maîtres orientaux de Shambhala. Oui. Maintenant, il y a une trentaine de noms que l'on a donnés à ces parvenus, à ces grands illuminés. Maitreya, franchement, je n'en connais pas d'étymologie. On en a suggéré plusieurs. Monsieur Krenn, là, dernièrement, a donné quelques notions relatives à ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas de concentrer notre attention sur le personnage que l'on isole de tous ses prédécesseurs. C'est ce qu'il représente. Ce qu'il représente. Alors, toujours avec des majuscules, c'est l'être-té véritable. Celui qui a le mieux, depuis les deux derniers millénaires, exemplifié ce que c'est vraiment que l'être-té humaine. C'est une parcelle de l'être-té divine. Vous savez, il y a des écoles ésotériques qui disent que... Vous nous parlez des centres d'émotion, puis il y a des écoles ésotériques qui disent « Rejetez vos émotions, car vos émotions vous font faire des erreurs. » Ils veulent dire sans doute des émotions mesquines, des émotions qui sont suscitées par des choses agréables ou désagréables. Alors, c'est vivre dans l'ambiance immédiate. Alors qu'on doit dépasser ou s'élever au-dessus des petites incidences habituelles. Alors c'est sans doute, je crois que c'est pas mal ça qu'ils veulent dire, de ne pas se laisser balader par toutes les émotions auxquelles on est assujetti. C'est dans ce sens-là qu'ils veulent l'employer. Mais l'émotion sont des mouvements intérieurs. Mais il y en aura toujours. S'il n'y aura pas de mouvement intérieur, il n'y aura pas de vie. Hein? Alors l'émotion, c'est la vie intérieure, le mouvement intérieur. Mais pas des petites attractions ou répulsions qu'on peut avoir. C'est sans doute dans ça qu'on a dit, ne vous laissez pas balader par des émotions ambiantes. Hein? Les chakras ou les centres d'émotion sont des centres d'énergie? Précisément. Oui, des centres d'énergie. Oui, parce que, vous, la matière se manifeste sur quatre aspects différents. Et ça affecte nos quatre sens. Je dis quatre sens parce que moi, je préfère n'en reconnaître que quatre. Oui, parce qu'ils sont tous dans l'aspect sensoriel. Le sens du toucher, ce n'est pas un sens, c'est une faculté que l'on a. On peut identifier des objets aussi bien par le coude ou l'avant-bras que par nos doigts. Alors, on a l'habitude d'attribuer le sens du toucher à nos doigts, etc. Non, le toucher n'est pas un sens. C'est un des aspects de l'adaptation de l'homme à son environnement, une des facultés, des facilités d'adaptation. On n'a eu qu'un sens de vue, l'ouïe, l'odeur, goûter. Alors, tous ces modes de manifestation là, dans la matière qui affectent nos sens comportent des mouvements d'énergie et qui nous affectent agréablement ou désagréablement. Et si on vit sensoriellement ou sensuellement, alors on est sujet à être troublé. Hein? Alors, c'est ce que nos ésotéricistes veulent dire, je n'en doute pas, par ne pas se laisser subjuguer par des émotions environnantes. Dominer notre monde sentimental. Il devrait plutôt dire nos sentiments. parce que ça vient des sens. Le message fondamental du Christ ou de tous les grands maîtres qui ont atteint les hauts apogées de la conscience christique, c'est l'amour. Comment définissez-vous l'amour? Ça se définit pas. C'est infini. C'est infini, elle ne peut pas se définir. L'amour, c'est l'infinité de l'être été. L'amour, c'est ce qui nous rend conscient de l'infini. Alors, vous voyez que le terme ne peut pas s'appliquer à l'amour. On ne peut pas définir l'amour. Il n'y a pas de fin, il n'y a ni commencement. Il a toujours réussi. Subitement, on en devient conscient. Mais sans le savoir. Puis voici que là, j'en suis conscient. Non, on ne peut pas définir l'amour, parce que ça n'a pas de fin. C'est infini. Alors, je refuse de me compromettre. On dit que Dieu est en trois personnes. Si le Fils s'est manifesté par l'amour, l'Esprit, l'Esprit Saint, le Paraclet, oui. C'est l'intelligence. Oui. Et le Père, c'est la volonté. Oui, le dynamisme, oui. Voyez-vous, en alchimie, on emploie ces termes-là, sel, soufre, mercure, qui représente le dynamisme, le magnétisme et la force équilibrante. Et je voulais préciser, il y a quelques mois, une fois, que le mercure, c'était la force attrayante, et le soufre était la force dynamique. Et le sel, c'est ce qui établit l'équilibre ou l'harmonie entre les deux. Alors, je pense que ces trois aspects-là de notre nature, l'équilibre des contraires, c'est comme la réconciliation du mâle et de la femelle, alors ça produit l'amour. Ouais. Alors, l'amour, c'est le résultat ultime de toute relation humaine. Et le résultat initial, c'est la cause initiale de toute relation humaine. Alors, c'est donc la totalité de notre être. Alors, Dieu est amour, Saint Jean nous le dit d'emblée. Hein. Dieu est amour. Le tout est amour. Alors, il n'y a qu'une réalité dans l'univers, c'est l'amour, qu'on appelle attraction universelle, qu'on appelle magnétisme, qu'on appelle dynamisme, c'est de l'amour, différents aspects. Alors, il n'y a qu'une réalité dans l'univers, c'est l'amour, l'amour, le bel amour. Après la pause... On retrouve Alex Lachance et vous, de votre côté aussi, si vous avez des questions, écrivez-les sur papier, apportez-les ici en avant, puis je ferai votre...